الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الكلام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في قراءة شرح حديث جبريل للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد قال قوله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال بعد ذلك فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ممكن نكون إن شاء الله تعالى dans l'explication du hadith de Jibril عليه السلام. L'explication faite par Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad. Il dit, Qawluhu Omar dit, lorsque nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, un homme habillé d'une blancheur éclatante et avec des cheveux très noirs, aucune trace de voyage n'était visible sur lui et aucun d'entre nous ne le connaissait. Il vint jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'asseya devant lui, collant ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en posant ses mains sur ses cuisses. Puis il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, ainsi que sur la croyance et sur la bienfaisance, de même qu'il le questionna sur l'heure et ses signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, que c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Fini fawa'id. Al-fa'idatu al-oula ja'a fi sahih al-Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radiyallahu anh, qal, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam barizan yawman lin-nas. Barizan ay zahiran ghayra mutahajjibin anhu wala mutalabbisin bighayrihi. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بوضوح وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا أي بنينا له مكانا مرتفع يجلس فيه فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجانبتيه وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه. Donc nous allons citer les choses qu'il faut retenir de cette partie du hadith que nous avons lu. Il a été rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour parmi nous et tout le monde le voyait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce hadith-là, il a été rapporté par plusieurs versions. C'est-à-dire, un seul événement qui a lieu, beaucoup de personnes ont vu cet événement et chacun apporte sa vision de la chose. Par exemple, comme on va voir après, il y a des compagnons qui ont dit que Jibril, lorsqu'il est venu, il a dit « Assalamu alaikum ». Il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres compagnons n'ont pas cité ça. D'autres compagnons aussi vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur un endroit élevé afin que tout le monde le voit. D'autres compagnons ne vont pas citer ça. Le bienfait du fait qu'il y ait beaucoup de versions, c'est que chaque version complémente l'autre. Chaque version apporte une information qu'une autre version n'a pas apportée. Et donc, c'est ce que le cheikh rapporte là. Il rapporte une version de Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour, en citant cet événement où Jibril alayhi wa sallam est venu le questionner, qu'il était assis et que tout le monde le voyait. Une autre version rapportée par Abu Daoud, selon Abu Dhar al-Ghifari et Abu Huraira radiallahu anhu, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait parmi ses compagnons. Et lorsqu'une personne étrangère venait, elle ne savait pas qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le questionner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en plein milieu de ses compagnons. Celui qui ne le connaissait pas ne pouvait pas venir à lui et lui demander des choses sur la religion. Les compagnons ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui construire un endroit élevé afin qu'il s'assied et que les personnes étrangères qui viennent puissent le reconnaître. En le voyant assis, ils savent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils viennent le questionner sur les choses de la religion. Puis ils dirent « فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَالًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنِبَتَيْهِ » Nous avons alors construit un endroit élevé, une sorte de chaise en terre battue, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait dessus et nous asseyons à ses côtés. Puis le cheikh explique qu'il y a dans cela la preuve que celui qui donne un cours ou qui enseigne aux gens doit être assis sur un endroit élevé afin que les personnes présentes puissent le voir, comprendre ce qu'il dit et profiter de ses paroles. والفائدة الثانية التي يستفاد من الفقرة التي قرأناها من الحديث أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في سورة بشر ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهم السلام في سورة بشر وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يأتي إليه ويحثو من الطعام أي ويسرق من الطعام وكما تأتي الجن على هيئة البشر فإنها كذلك تأتي على هيئة الحيات كما جاء في صحيح مسلم. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette partie du hadith, c'est que les anges se transforment en apparence humaine. Et ceci est cité dans le Coran, entre autres, lorsque Jibril alayhi salam a pris la forme humaine et venu insuffler l'âme dans Marie, Maryam alayhi salam. Jibril est venu sous forme humaine. Également, les deux anges qui sont venus voir les prophètes Ibrahim et Lot en se faisant passer pour des invités, c'était deux anges qui avaient également la forme d'un être humain. Et ils changent de forme par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils passent de leur forme initiale et se transforment et prennent l'apparence d'une forme humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant des anges, « Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des envoyés, qui ont, certains ont deux, d'autres trois, d'autres quatre ailes. Et Allah ajoute à la création ce qu'il veut. » Al-Bukhari Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans sa vraie forme dans laquelle il a été créé et il avait 600 ailes. De même, les anges se transforment en êtres humains ou prennent l'apparence d'êtres humains. Il en est de même pour les djinns, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira radiallahu anhu dans l'histoire où l'homme venait et voler de la nourriture. Donc l'histoire, je vous la dis brièvement. Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait confié la garde de Zakat al-Fitr. Le prophète sallallahu lui avait confié la garde. Donc les compagnons apportaient de la nourriture pour les pauvres, ils la stockaient et Abu Hurayra radiallahu anhu s'occupait de sa garde. Une fois, un homme est venu un soir et il a volé de la nourriture. Abu Hurayra le saisit et lui dit qu'il allait l'emmener voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il le juge. Et l'homme lui dit qu'il était pauvre et qu'il avait une famille à nourrir et il demanda à Abu Hurayra de le laisser. Abu Hurayra le laissa. Il fit de même le deuxième jour. L'homme revena et revela encore de la nourriture. Abu Hurayra l'attrapa et lui dit qu'il allait l'emmener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a encore dit que c'était une personne pauvre et qu'il avait une famille à nourrir, il a des enfants. Abu Hurayra, radiallahu anhu, a eu pitié de lui, il l'a laissé. Et la troisième fois, l'homme est encore revenu, le troisième soir, a encore volé de la nourriture. Et Abu Hurayra, radiallahu anhu, a dit, cette fois-ci, je t'emmène chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme lui a dit, laisse-moi, c'est la dernière fois que je viens. Et si tu me laisses, je t'apprendrai une chose qui te servira ou qui te profitera dans cette vie. Et Abu Hurayra accepta l'accord et l'homme lui dit, lorsque tu entres chez toi, lis le verset du trône et aucun diable ne t'approchera. Puis le lendemain, Abu Hurayra radiallahu anhu raconta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a dit raison le menteur. Il a dit raison ou il a dit vrai celui qui a pour habitude de mentir. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'était le diable. Donc c'était le diable qui avait pris l'apparence humaine et qui était venu voler la nourriture. Malgré que ce soit le diable, comme le professeur Hassan l'a dit, il t'a dit une vérité, celui qui a l'habitude de mentir. Et comme on le sait tous, le diable fait partie des djinns. Le diable est un djinn. La preuve, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ » كان من الجن ففسق عن امر ربه. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam, devant Adam alayhi salam. Ils se sont prosternés tous sauf le diable, sauf le shaytan qui faisait partie des djinns. Donc le diable fait partie des djinns. والملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر من حيث لا يرونهم وقد قال الله عز وجل عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Et les anges et les djinns, alors qu'ils ont leur forme initiale, voient les êtres humains, alors que les êtres humains ne les voient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des djinns qu'ils nous voient, mais que nous ne les voyons pas. والفائدة الثالثة التي تستفاد من الحديث ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب، لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها، وله 600 جناح إلى هيئة بشر. La troisième chose que l'on peut déduire de ce hadith, c'est que il y a dans le fait que Jibril alayhi salam soit venu sous forme humaine, cela ne justifie pas les représentations que l'on peut trouver à notre époque, ceux qui représentent les anges sous forme humaine, en dessinant des enfants avec des ailes, des hommes, etc. Tout ça, ce n'est que mensonge. Car Jibril alayhi salam est passé de son état initial, de sa vraie forme, où il a 600 ailes, et se transforme, ou a l'apparence d'un être humain, tout cela avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de représenter les anges sous forme humaine, de faire croire aux gens que les anges sont comme cela, c'est faux. Car la vraie forme des anges, personne ne l'a vu à part le professeur Al-Saddam, qui a vu Jibril dans sa vraie forme ayant 600 ailes. والفائدة الرابعة في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل ما علم، بل هو سأل فقط، لكن هذا السؤال ترتب من ورائه التعليم، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم لجبريل عليه السلام. والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اسألوني. لكن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيبته ولمكانته عندهم. فجاء رجل وهو جبريل فسأله، وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. La quatrième chose que l'on déduit de ce hadith, c'est qu'il y a dans la venue de Jibril عليه السلام vers le prophète صلى الله عليه وسلم et le fait de s'asseoir devant lui, il y a un certain comportement. On déduit de cela un certain comportement que peut avoir une personne qui étudie envers son professeur. Et ce que l'on peut déduire, c'est que celui qui pose une question n'est pas obligé à chaque fois de poser des questions sur les choses qu'il ne connaît pas. Mais il est préférable de poser une question, même si on connaît la réponse, de la poser à une personne compétente, afin que cette personne réponde et que les gens présents apprennent et profite de cette réponse-là. Donc si une personne, par exemple d'entre nous, connaît une réponse, connaît quelque chose, la réponse à une question importante, il peut la poser, alors qu'il sait qu'il connaît la réponse, il la pose au cheikh ou à la personne qui donne le cours, afin qu'il réponde et que les gens qui, eux, ne connaissent pas la réponse, profitent de la réponse du cheikh. Et c'est pour cela que le professeur Al-Sallam a dit: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Mais à la base, Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement posé des questions au professeur alayhi salam. Il lui a dit: qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la bienfaisance? À quand l'heure? Quand l'heure aura lieu? Jibril n'a fait que poser des questions. Mais le professeur alayhi salam a quand même dit à la fin: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc il a posé une question à laquelle il connaissait la réponse, mais en conséquence, il y a eu que les gens, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous après eux, ben, on a profité des réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والفائدة الخامسة لم يرد في الصحيحين سلام جبريل عند مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي أشرت إليه قريبا فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط أي حتى انتهى ووصل إلى طرف الجماعة أي الصحابة رضي الله عنهم فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de versions de ce hadith et chaque version apporte une information en plus. Et parmi la cinquième chose que l'on peut retenir, c'est qu'il y a une version, plutôt la version rapportée par Al-Bukhari en Muslim, ne stipule pas que Jibril alayhi salam a salué le prophète sallallahu alayhi salam en venant. Mais cela a été rapporté dans une autre version rapportée par Abu Daoud qui dit, selon Abu Huraira et Abu Dhar, qui ont dit, l'homme est venu et a traversé le rang des compagnons radiallahu anhum, puis a dit, salut à toi, ô Muhammad. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le salam. والفائدة السادسة قال الحافظ ابن حجر في الفتح فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين قلت أي الشيخ عبد المحسن العباد وهذا الثاني أولى أي أنه صريح قول الحاضرين فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا وهذه الرواية في المسند الإمام أحمد. La sixième chose qu'il faut retenir, Al-Hafid ibn Hajar qui expliquait le Sahih al-Bukhari a dit, et si on se demandait comment est-ce que Omar savait que personne ne le connaissait, il a eu deux réponses chez les savants. La première réponse est que Omar radiallahu anhu a parlé selon ce qu'il savait. Et la deuxième réponse, c'est que ce sont les personnes qui étaient présentes qui ont dit qu'elles ne le connaissaient pas. Et Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad tend vers le deuxième avis et appuie cela en disant qu'il y a une version rapportée par Othman ibn Riyaf qui dit que les gens se regardaient les uns les autres et ont dit personne ne connaît celui-ci. Personne ne connaît cette personne. والفائدة السابعة ذكر النووي في شرح مسلم أن الضمير في فخذيه يرجع إلى جبريل وقال غيره إنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فأفدت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذين يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. La septième chose que l'on peut retenir, c'est que quand l'homme est venu, le hadith dit qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis en collant ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a posé ses mains sur ses cuisses. Les savants ont deux avis sur cela, en disant, il a posé sa main sur ses cuisses. Mais sur lesquelles cuisses a-t-il posé ses mains? Est-ce qu'il a posé les mains sur ses cuisses à lui? Ou est-ce qu'il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et l'avis que le cheikh dit, qui est le plus probable, c'est que Jibril alayhi salam est venu, il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'un d'entre nous s'assit pour la prière, il colla ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et posa ses genoux sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou posa ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. comme cela a été rapporté dans d'autres versions, la version d'Ibn Abbas et de Abu Amr al-Ash'ari, qui disent, puis il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقوله وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Puis Omar radiallahu anhu dit, et il dit, en parlant de Jibril, Ya Muhammad, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, d'accomplir la prière, d'accomplir la zakat, de jeûner le mois du ramadan, d'accomplir le pèlerinage à la Mecque si tu en as les capacités. Et l'homme lui dit, tu as dit vrai. Les compagnons ont dit, nous étions étonnés qu'il le questionne, puis ensuite qu'il rend véridique ses paroles. Fihi fawa'id kadhalik al-oula ajaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Jibril indama sa'alahu 'an al-islam bil umur adh-dhahira. وعندما سأله عن الإيمان أجابه صلى الله عليه وسلم بالأمور الباطنة ولفظا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينهما في المعنى وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى وإذا فسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا. إذن الإسلام إذا ذكر إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام يعني الأمور الظاهرة والإيمان يعني الأمور الباطنة. وإذا ذكر الإسلام بمفرده أو الإيمان بمفرده فالإسلام يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يحتمل الإسلام والإيمان. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي هذه الآية ذكر الإسلام وحده، فالمعنى يشمل الإسلام والإيمان. وبمجيء الإيمان مفردا قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك الإيمان هنا ذكر بمفرده فيشمل المعنيين، الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين، فالفقير إذا ذكر بمفرده فالفقير أفقر من المسكين، إذا جمع بين الفقير والمسكين فالفقير أفقر من المسكين، وإذا ذكر الفقير وحده بمفرده فيشمل كذلك المسكين، والمسكين إذا ذكر وحده فيشمل معنى الفقير والبر والتقوى وغير ذلك. Donc la première chose que l'on déduit de ce que j'ai lu, la partie du hadith que j'ai lu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril alayhi salam lorsqu'il lui a demandé sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu sur des choses extérieures, des actes extérieurs. Il lui a dit, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, que Mohammed est son envoyé, de faire la prière, de jeûner, de faire le pèlerinage, tout ça, ce sont des choses, des actes extérieurs, des actes que l'on voit. Et lorsque Jibril le questionna sur la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, de croire au jour du jugement, etc. Ce sont des choses internes, des choses qu'on ne voit pas. Et l'islam et la croyance, ce sont deux termes. Lorsqu'ils sont cités l'un après l'autre, ils ont deux sens différents. L'islam, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et la croyance, c'est de croire et d'avoir la foi en ces choses. Et lorsque l'islam et la croyance sont cités séparément, ils veulent dire les deux à la fois. Lorsque la croyance est citée toute seule, eh bien, elle englobe l'islam. Et lorsque l'islam est cité tout seul, il englobe la croyance. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant, celui qui prend une autre religion que l'islam, celui qui prend autre que l'islam comme religion, aucune chose ne sera acceptée de lui et il fera partie le jour où, dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui prend l'islam autre que l'islam comme religion. Le terme islam là, il englobe la religion, l'islam, avec ses cinq piliers, mais il englobe également la foi, la croyance. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et celui qui m'écroit en la croyance ou en la foi, tous ses actes sont annulés et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Donc ce sont deux versets qui se ressemblent, qui veulent dire la même chose. Sauf que dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme islam, et dans le second, il a cité le terme iman. Ce qui veut dire que, ce qui prouve que ces deux termes, lorsqu'ils sont cités séparément, ils veulent dire la même chose. والفائدة الثانية أول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. La deuxième chose que l'on déduit, c'est que la première définition ou l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à l'islam, c'est l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attestation de même qu'il n'y a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé. Et ces deux attestations sont complémentaires et sont obligatoires et rendues obligatoires à toute personne, que ce soit un être humain ou un djinn, depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et celui qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens de l'enfer. La preuve, c'est le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, entende parler de moi, puis meurt sans avoir cru en la chose à laquelle j'ai été envoyé, c'est-à-dire au Coran, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. وهنا تعليق في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. وهنا المراد بالأمة لأن الأمة العلماء فرقوا الأمة وقالوا الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هم الذين يوجه إليهم نداء الإسلام والذين توجه إليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء داخلون في أمة الدعوة، وقد تشتمل اليهود والنصارى وغيرهم. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا للإسلام واستجابوا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى معنى الأمة في هذا الحديث أمة الدعوة. جست une remarque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun d'entre vous, aucune personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. Et la chose que je veux expliquer ou éclaircir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité de cette communauté, de la sienne. Et ensuite il a dit les juifs et les chrétiens. Est-ce que les juifs et les chrétiens font partie de notre communauté ? Les savants ont divisé la communauté en deux. Une communauté d'appel et une communauté qui a répondu à l'appel. La communauté d'appel, ce sont les gens qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, auxquels on doit appeler à l'islam. Et les gens auxquels on doit appeler à l'islam, ils peuvent être musulmans comme ils peuvent être non musulmans. Ils rentrent dans le terme communauté, mais c'est une communauté d'appel, c'est une communauté que l'on doit appeler à l'islam. Et il y a l'autre communauté qui a répondu à l'appel, Ummat al-Ijaba. Celles-ci, ce sont les musulmans, ceux qui ont répondu à l'appel de l'islam, à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui appliquent les lois d'Allah et les lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la communauté qui a été citée dans ce hadith, c'est la communauté d'appel, qui englobe les non-musulmans également. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله. لا إله تنفي جميع العبادة سوى الله عز وجل، لا إله. وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له إلا الله. فهذا إثبات خاص تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، أي لا معبود بحق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لا يصلح أن تقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل ما سوى عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, c'est que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attestation, elle comporte deux parties. La première qui est une négation et la deuxième qui est une affirmation. La première partie, c'est il n'y a de vraie divinité. Celle-ci, cette négation, elle nie toute divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de vraie divinité, c'est-à-dire il n'y a pas de vraie divinité. Aucune divinité n'existe ou n'est vraie sauf Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, elle affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Et il y a une mauvaise explication que beaucoup de gens utilisent. Ils disent il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Cela est faux. Car, comme le dit le Cheikh, il y a beaucoup de divinités. Il y a plein de divinités. Vous avez Judas, vous avez Bouddha, vous avez un qui adore les vaches, un qui adore plein d'autres animaux. Donc, des divinités fausses, il y en a. Mais nous, on parle des vraies divinités. Il n'y a de vraies divinités, il n'y a de vrais dieux qui méritent d'être adorés, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de dire il n'y a de vraies divinités qu'Allah, ou il n'y a de divinités qu'Allah, c'est faux. Parce qu'il y a d'autres divinités qu'Allah, il y en a qui adorent Jésus. Mais ce sont des adorations, ce sont des choses qui sont adorées dans le mal, qui sont adorés faussement. C'est faux de A à Z. Le seul et la vraie divinité qui mérite d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه وأن تصدق أقباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معينة وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. L'explication de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé d'Allah, c'est de l'aimer plus que toute autre créature sur terre, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de délaisser ce qu'il a interdit, de croire en tout ce qu'il a informé, que ce soit des choses passées, des choses présentes ou des choses futures, que ce soit des choses que nous voyons ou que ce soit des choses que nous ne voyons pas, nous devons croire à tout ce qu'il a informé sallallahu alayhi wa sallam. De même que d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala en conformité avec ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vérité et guidée. وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وإذا فقد الاتباع رد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الجملة أعم من الأولى لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها. Et la sincérité des actes envers Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont deux conséquences directes de l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, la conséquence directe, c'est que tous les actes qu'il fait doivent être sincères à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit les faire pour personne d'autre. De même que ses actes, pour qu'ils soient acceptés, doit être en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve est le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui a accompli un acte et a associé quelqu'un d'autre, que moi, je le délaisse ainsi que ce qu'il a associé. Et de même que la concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est importante, c'est même une condition. Celui qui applique un acte, même s'il est sincère, mais que cet acte-là n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se voit rejeter cet acte et non accepter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une chose sans qu'il y ait un commandement venant de nous est rejeté. Dans une autre version, celui qui fait un acte sans que l'on l'ait ordonné est rejeté. ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه. ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: شاتك شاة لحم. فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية، لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. Et il n'est pas juste de dire que lorsqu'un acte est fait avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ne soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est faux de dire qu'à partir du moment où la personne avait une bonne intention, eh bien cet acte-là lui portera profit. Cela est faux. Lorsque la personne fait un acte qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas en conformité avec, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet acte est rejeté avec certitude. La preuve, c'est ce qui a été rapporté dans le Bukhari wa Muslim, par le Bukhari wa Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un des compagnons qui avait égorgé sa bête le jour de l'Eid avant la prière. Il lui a dit: ta brebis, c'est une brebis, c'est que de la viande en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas considéré cette brebis-là comme étant une udhiya, comme étant un sacrifice. Il lui a dit: ta brebis, c'est une viande que tu peux manger, c'est que de la viande. Tu n'as pas de récompense à part le fait que ce soit de la viande. Alors que le compagnon avait fait ça avec une bonne intention. Il avait égorgé sa bête le jour de l'Eid avant la prière. Mais pour qu'elle soit acceptée, la condition pour qu'un sacrifice le jour de l'Eid soit accepté, c'est que la bête soit égorgée après la prière. Avant la prière, c'est que de la viande. Après la prière, c'est considéré comme un sacrifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui dire: tu as eu une bonne intention, malgré que tu as fait, que tu l'aies égorgé avant la prière, elle est acceptée. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta brebis, c'est de la viande. وفي سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى، يقول أحدهم: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى أي لم تخسر، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. إلى رابورتي dans سنن الدارمي qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an entra dans la mosquée et vit des gens assis en faisant des cercles, et ils avaient dans leurs mains des pierres. L'un d'entre eux disait: dites Allahu Akbar 100 fois. Et ils disaient Allahu Akbar 100 fois. Puis l'homme leur disait: dites La ilaha illallah 100 fois. Ils dirent La ilaha illallah 100 fois. Il leur dit ensuite: dites Subhanallah 100 fois. Et ils dirent Subhanallah 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui était un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est un des compagnons qui détenait ou qui avait le plus de science, a dit à ces personnes: qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ils dirent, oh Abu Abdurrahman, la kunya de Abdullah ibn Mas'ud, ce sont des pierres avec lesquelles nous comptons les takbir, ainsi que les tahlil et les tasbih. Takbir, c'est le fait de dire Allah Akbar, at-tahlil, le fait de dire Allah ilaha illallah, et at-tasbih, le fait de dire Subhanallah. Puis il leur répondit, comptez plutôt vos mauvaises actions. Malheur à vous, communauté de Muhammad, comme vous allez à grande vitesse vers votre perte, vous avez parmi vous encore les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, il leur montra de loin, ceci sont ses vêtements qui ne sont pas encore usés, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il y a encore sa vaisselle qui n'est pas encore cassée. Il voulait dire par là, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il n'y a pas longtemps. Ses vêtements sont encore là, de même que sa vaisselle. Et je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Ils ont dit, par Allah ou Abu Abdurrahman, nous ne voulions que le bien. Il leur répondit, et combien de personnes veulent le bien mais ne l'atteignent pas. نكتفي بهذا القدر ونتم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الذي سيكون ابتداء من الأسبوع المقبل بين المغرب والعشاء. Nous allons nous arrêter ici إن شاء الله pour aujourd'hui et nous allons continuer la semaine prochaine. Et la semaine prochaine ce sera entre المغرب et العشاء et non pas après العشاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.